Je vous prie de monter encore dans la prière. Nous prions en même temps pour l'église de Dieu. Nous n'avons que la source féconde. Oula taweze shai kanisa. Ni Yesu peke yake. Oula taweze shamongozaji wa kanisa. Ni Yesu peke yake. Oula taweze shamazeba kanisa. Ni Yesu peke yake. Nous prions pour l'église de Dieu. Nous disons, Seigneur, il n'y a que toi qui peux. Oh Seigneur Jésus. Jésus. Yeah. que quelqu'un peut acclamer Jésus? Nous avons acclamé pour nous-mêmes. Nous acclamons pour Jésus. Yesu muweza yote. Yesu mshindaji. Tu anayeweza anayeshinda dunia. Alléluia. Pendant 5 minutes, nous allons louer Dieu. Alléluia. Hey, waisalela wani muna. Hey, waisalela wani. Hey, waisalela wani muna. Waisalela wanyi mema, munanga wa moyo wanyi, waisalela wanyi munanga. Hey, waisalela wanyi, hey, waisalela wanyi munanga. Hey, waisalela wanyi, hey, waisalela wanyi munanga. Wachizila wachizila mkalenga wabakalenga. Wachizila yoyoyo fumo mba gulomba papa. Wachizila wachizila mkalenga wabakalenga. Wachizila yoyoyo fumo mba gulomba. Eh, wachizila wachizila mkalenga wabakalenga. Wachizila yoyoyo fumo mba gulomba papa. Wachizila wachizila mkalenga wabakalenga. Wachizila yo yo yo fumo mba kulomba. Hey, wachizila wachizila mkalenga wabakalenga. Wachizila yo yo yo fumo mba kulomba papa. Wachizila wachizila mkalenga wabakalenga. Wachizila yo yo yo fumo mba kulomba. Yes. Hallelujah. Zambe ubanjou Bella tu kundulila, wachizila yo yo yo, fumo mba kulomba papa. Wachizila wachizila, hey mukalenga wabakalenga. Wachizila yo yo yo, fumo mba kulomba. Zambe ubanjelu bembila tu kunemunya, wachizila yo yo yo, fumo mba kulomba papa. Wachizila wachizila, hey mukalenga wabakalenga. Yesu we. Nani wasamba moyo wangu uyesu kena mulwe nani wasamba moyo wangu mema kava mwena wakinga nani wasamba moyo wangu uyesu kena mulwe nani wasamba moyo wangu mema kava mwena mulwe nani wasamba moyo wangu uyesu kena mulwe nani wasamba moyo wangu mema kava mwena makinga nani wasamba moyo wangu yesu yesu kena mulwe yesu Nani wasamba moyo wangu Yesu kena mulwe nani wasamba moyo wangu mema kava mwena makenga Nani Yesu Nani Yesu Papa wangu Papa wangu Papa wangu Papa wangu Moyo wangu mema Moyo wangu mema Moyo wangu mema Moyo wangu mema Moyo wangu mema Moyo wangu mema Moyo wangu mema Moyo wangu mema Tambi wangu mema Yesu wangu mema Elohim wangu mema Shaddai wangu mema Yesu wangu mema Wangu mema Yawe wangu mema Yawe wangu mema Muluma wena matunde Muluma wena majunde Tuluka wena majunde Tuluka wena majunde Hey wani mema Javi wani mema Muluma wani mema Shaddai wani mema Elohim wani mema Yes Yes Alléluia. Je rappelle à Dieu. Oui, moi je rappelle à Dieu. C'est lui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Je ne l'ai pas dit que ce sont les hommes. Je ne l'ai pas dit, marcheur. N'aimez pas les hommes politiciens. Car il ne peut rien changer. Oui, moi je rappelle à Dieu. Oui, moi je rappelle à Dieu. C'est lui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Il a révi celui de Jésus. Après 3 jours dans le tombeau. Il a révi celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau. Il a révi celui de Sarah. Après 7 ans dans la stérilité. En lui donnant un fils Isaac. Oui, moi je rappelle à Dieu. Oui, moi je rappelle à Dieu. C'est lui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Bien-aimé, chante alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, chante alléluia. Allez, allez, allez, alléluia. Allez, allez, bien-aimé, chante alléluia. Allez, allez, alléluia. Alléluia. Car le Seigneur est bon, sa bonté est éternelle et sa fidélité dure de génération en génération. Nous sommes là pour adorer le Dieu bon, le Dieu éternellement bon, le Dieu fidèle. Nous l'adorons pendant ce temps. Quelqu'un élève sa voix et dit, Seigneur, tu es bon. Ta bonté dure à toujours. Ta bonté se renouvelle chaque matin dans ma vie. Je le vois. Je vis cela. Tu es éternellement bon. De génération en génération, tu restes bon. Tu es fidèle. Ta fidélité durera toujours. Voilà pourquoi nous élevons nos voix. Nous adorons l'Éternel. Éternel qui est présent. Partout, au même moment, toi qui sais contrôler toutes choses par la puissance de ta main, rien ne peut t'échapper et rien ne peut te résister. Voilà pourquoi nous t'élevons, toi le Dieu bon, ta bonté qui ne cesse de se renouveler de génération en génération. Tu restes omniscient parce que tu connais toutes choses et rien ne t'échappe. Voilà pourquoi nous élevons nos voix pour l'Éternel, omniscient, le connaisseur, celui qui dépasse les hommes, celui qui dépasse les savants. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône afin afin d'exhaler le parfum. Encore une fois, je ramène mon cœur afin de t'exhaler le parfum. Oh, je ramène mon cœur. Ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté. Chante avec moi, ta sainteté. Ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté. Holy, holy, holy, holy, holy, holy. créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Adonai. Bien-aimé, il est bon d'adorer Dieu. J'aime adorer Dieu. Et il est bon que nous puissions l'adorer. Bien-aimés, vous savez, quand les anges disent saint, saint, saint, ça veut dire si ils étaient en train d'adorer Dieu, ils auraient arrivé à un moment où ils devaient se fatiguer. Ça veut dire à chaque moment qu'ils disent saint, ils découvrent quelque chose de nouveau encore devant Dieu. C'est à ce moment qu'ils s'agenouillent encore, ils disent saint. Dieu, à chaque instant, il a toujours des merveilles qu'il fait. Voilà pourquoi ils disent saint. Saint est le Seigneur. Il est bon de l'adorer, bien-aimé. Quand tu adores Dieu, il se révèle encore à toi. C'est le mystère de l'adoration. Avant d'entrer dans la parole, que quelqu'un du fond de son cœur puisse adorer Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Des paroles d'amour. Des paroles d'amour. Pour notre Dieu. Et il va encore se révéler en nous. Ce soir en ce lieu. Éternel, tu es saint. Tu es merveilleux. Mwema. Tu es bon. Mwema. Dans ma vie. Tanya ma ta bonté. Mwema wa. Je la découvre à chaque instant. Tu es bon. Mwema. Tu es un Dieu bon. Uko Mungu mzuri kabisa. Mungu wa upendo. Ulitupenda. Malgré ingawa nos péchés. Malgré nos égarements, Seigneur, il a continué à nous aimer. Mungu liendelea na kutupenda. Sois béni. Ubarikiwe. Sois élevé. Uinuliwe. Encore ce soir. Jioni ya leo. Est-ce qu'un enfant de Dieu akika mtoto wa Mungu peut ensemble avec moi anaweza pamoja nami acclamer le roi des rois. Pika mikono na kofi kwa ajili ya mufa. Acclamez le Seigneur des seigneurs. Pika mikono kwa ajili ya Bwana ya mabwana. Oh, il est merveilleux. Ni mwema. Il est saint. Ni mtakatifu. Il est saint. Ni mtakatifu. Saint le Seigneur. Mtakatifu ndiye Bwana. Alléluia. Alléluia. Tu vas incliner ta tête. Utainamisha kichwa yako. Seigneur Dieu. Taomba Bwana Mungu. Nous nous recommandons en ce moment-ci. Laisse que seul ton esprit parle à ton peuple. Laisse que nous soyons juste cet instrument que tu vas utiliser ce soir. Sous la grâce de l'ange de cette église, laisse que tu donnes des solutions, laisse que tu donnes la vie. Laisse que tu parles à mon frère et ma soeur ce soir. Laisse que tu ramènes le réconfort, la consolation au travers ces instants. Oh, c'est dans le nom de Jésus, Christ notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Naweza kupika mikono. Amen. Amen. Bien-aimé, si ça ne dépendait que de moi. Wapenda kamele leka tu kwa ajili yangu. Allez continuer l'adoration. Ipasha kuendelesha maabudu. Comme on est contraint par le temps. Sa vile tunasongwa na wakati. Nous passons à la parole. Tunapita kuneno. Disons merci à Dieu. Tunasema sante kwa Bwana. Pour la vie et la santé. Kwa uzima na afya. Parce que sans Dieu, on ne saura se tenir en ce lieu. Bila Mungu hatutaweza kusimama hapa na mahali. Disons merci à papa et maman. Tunasema sante kwa baba na mama. Kwa kuweza kutumainia. Afin de nous tenir devant le peuple de Dieu. Ili tusimame mbele ya mataifa. Nous allons prêcher sous votre grâce. Na tutahubiri chini ya neema yenu baba. Nous disons aussi merci et que Dieu vous bénisse. Tunasema makutano Mungu amibariki. Vous avez laissé toutes vos préoccupations. Muliacha maelekeo yenu. Et vous êtes venus ce soir. Na mulikuya jioni ya leo. Pour que ensemble. Ili pamoja. Puissions écouter la pensée de Dieu. Tusikie mafikiri ya Mungu. De ce soir. Ya jioni ya leo. Le sous-thème de ce soir kishina, est intitulé Kishina ndogo ya magharibi leo natunga L'esprit ro puissant ya uwezo et agissant na iko na tenda L'esprit puissant et agissant ro ya uwezo na iko na tenda Bien-aimés, nous sommes dans la continuité wapenda tunakuya na endelesha la semaine qui vient de passer ya juma inatokea kupita les 10 jours de la chambre haute masiku 10 ya chumba ya juu alors quelle est notre participation de ce soir aliko yetu ya magharibi ya leo nous allons lire beaucoup de textes tutasoma mausomi mengi avant de chuter en prière kabla kushuka kwa maombi le premier texte est dans 1 Corinthiens chapitre 2 ya kwanza ni wa korinto wa kwanza sura ya pili Le verset 9 au verset 12. Mustali wa 9 na wa 12. En lisant ce verset bien-aimé, j'ai compris beaucoup de choses. Kusoma hii mstari nilielewa vitu mingi. 1 Corinthiens chapitre 2 kwanza sura pili du 9e au 12e verset. Mustali wa 6 paka wa 12. Je vais lire en français. Soma mu lugha ya kimombo. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Si nous pouvons souligner pour nous qui lisons la Bible, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est que l'esprit de l'homme qui y est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est que l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. La dernière phrase, c'est celle qui m'intéresse. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bien-aimés, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, la Bible explique. Pour arriver à sonder quelque chose, c'est par l'esprit. C'est-à-dire, pour connaître ce qui est dans l'homme, on doit voir l'esprit de cet homme. Pour qualifier une personne, on doit définir l'esprit qui est en lui. Et pour sonder aussi les choses de Dieu, il faut connaître l'Esprit de Dieu. Ça veut dire le Saint-Esprit, c'est le canal de la connaissance. Alléluia. Donc, nous devons connaître. Pour connaître dans la nature, dans les choses des hommes, il faut arriver à se connecter à l'Esprit de l'homme. Vous allez voir que même le monde des ténèbres, il va prendre l'esprit de l'homme et C'est au travers de son esprit qu'il va chercher à entrer dans sa vie et l'utiliser. Et on va prendre son esprit pour aller. On prend son image par l'esprit pour aller le représenter. Ça, c'est le monde de ténèbres. C'est les choses du monde. Mais ici, la Bible, elle est claire que nous avons reçu l'esprit de Dieu, l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous puissions connaître. C'est-à-dire, l'esprit va nous faire connaître les choses que Dieu nous a données. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, en lisant cette parole, je comprends que tout homme de la terre, dès sa création, dès sa naissance, Dieu a prévu des choses pour lui. Ça veut dire, tel que je suis là, depuis que Dieu a décidé que je vienne sur la terre, il a aussi décidé des choses qui vont m'accompagner. Maintenant, comment connaître cela? C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je me suis posé une question. Pourquoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions connaître. Donc, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas connaître ses avantages. Alléluia. Amen. Une autre chose, pour appuyer cette idée, dans le livre de Romains, on nous dit quoi? C'est par l'Esprit que nous sommes appelés fils de Dieu. Par l'Esprit. Pas né de la chair, mais né de l'Esprit. Et ce sont ceux qui sont nés de l'Esprit qui sont appelés fils de Dieu. Et à la fin, on dit, c'est pour cela la création attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que c'est par l'Esprit que nous avons le contact des choses que Dieu a prévues pour nous. Bien-aimé, Dieu a prévu beaucoup de choses pour l'homme. C'est pour cela même la Bible dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi, bien-aimé? C'est parce que notre nature, nous-mêmes, nous ne la connaissons pas. Oui, nous sommes citoyens de la terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, l'homme, ce n'est pas sa chair. Bien-aimé, l'homme, ce n'est pas le corps. Hier, je revenais de Lubumbashi, bien-aimé. Je suis arrivé à un village. J'ai trouvé un accident. Et autour de cet accident, la Croix-Rouge était en train de ramasser les morceaux des hommes qui ont calciné dans un minibus Yas. Et en ce moment-là, on ne sait même pas définir celui-ci, c'est elle, celui-ci. On ramassait des morceaux pour mettre dans une bâche. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas son corps. Bien-aimé, ce que tu es, c'est l'esprit. Alors travaille ton esprit. Connecte-toi à l'esprit de Dieu pour connaître réellement ce que Dieu a préparé pour toi. Beaucoup de gens minimisent ces choses. Mais vous savez, même le Christ, quand il voulait partir, il a fait le relais. Il a dit, je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse un autre consolateur. Christ étant consolateur, il qualifie l'esprit comme un deuxième consolateur qui arrive. Il va vous enseigner. Il va vous révéler des choses. Bien aimé, nous savons très bien qu'un peuple sans révélation, alléluia. Amen. Bien aimé, cherchons l'esprit. Et le temps actuel, c'est le temps de ceux qui sont en esprit. Et c'est ceux qui gagnent. Parce qu'ils ont la connaissance de ce que Dieu a prévu. Bien aimé, quand tu es dans la chair et que tu n'es pas dans l'esprit, sache que ça te sera difficile de connaître ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Amen. La deuxième question que je m'étais posée, chercher l'esprit pour connaître quoi? La réponse, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est pour connaître les choses que Dieu nous a données. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, nous avons le Saint-Esprit, c'est afin de connaître les choses que Dieu nous a déjà données. Ce n'est pas pour, avec l'esprit, chercher des choses à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire, quand je prie, j'ordonne aux choses que Dieu m'a déjà données à l'existence. Je ne vais pas prier pour dire Dieu donne-moi, parce que par l'esprit il a déjà tout donné, il a déjà prévu. Alors je demande encore quoi, si ce n'est qu'avoir la révélation de ce qu'il m'a déjà donné, afin que je puisse prendre, que je puisse m'accaparer. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Jean chapitre 14, versets 16 à 18. Jean 14, 16 à 18 dit ceci, je lis. Jean 14, 16 à 18. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. La Bible est claire. Le consolateur ne vient pas à des moments ponctuels. Le Saint-Esprit, sa mission, ce n'est pas un jour au septième, on commence à invoquer le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit demeure avec nous. Christ l'a déjà fait le relais. Écoutez la suite. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et il ne les connaît point. Mais vous, vous là c'est qui? Les fils de Dieu, les enfants de Dieu, vous les connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Il ne sera pas en dehors. Christ a laissé l'esprit. C'est pour qu'il soit en nous. Nous avons fait les 10 jours de chambre haute où on nous a même parlé que l'esprit en nous, il peut être à la cheville. Il peut être au genou. Il peut être à la hanche. Il peut être débordé. Ça dépend maintenant de la personne qui façonne l'esprit. Mais dès que Christ a donné le relais, l'esprit est avec nous. Et le Saint-Esprit est permanent. Et il est là éternellement. Alléluia. Amen. Nous pensons que c'est quelque chose de mythique. Mais Dieu, pour garder ses enfants, il dit, je vous laisse l'esprit. Et vous allez aussi agir par l'esprit. Bien aimé, vous savez une chose. Quand Christ commence son œuvre, je suis dans Luc chapitre 4. On peut nous balancer le livre de Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. quand Jésus commence wakati Yesu ananza, son œuvre, kazi yake, la Bible dit Biblia nasema, Jésus rempli du Saint-Esprit. Yesu mwenye kujaa na Roho Mtakatifu. Jésus rempli du Saint-Esprit. Yesu mwenye kujaa na Roho Mtakatifu. Est-ce que nous pouvons aller au verset 14? Vous savez, quand il est rempli du Saint-Esprit, il va au désert. Mais pourquoi la Bible commence par Jésus rempli du Saint-Esprit? Donc c'est pour déjà dire que toute la suite des combats qui va arriver n'aura aucun effet. Parce que l'Esprit est avec lui. Le verset 14 dit ceci. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna à Galilée. C'est-à-dire, après avoir jeûné, c'est en ce moment-là qu'il rentre maintenant dans l'œuvre. Mais ici, on dit revêtu de la puissance de l'Esprit. Ça veut dire, cette puissance était pour aller affronter les problèmes. Parce que son œuvre commence. Alléluia. Ça veut dire un enfant de Dieu. Quand il a l'Esprit de Dieu, quand il est rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, ce sont ces gens-là que tu apprends, ils dorment. Même si le diable en personne se tenait là, il ne te fera aucun mal. Parce que tu es enfant de Dieu, il ne pourra pas te toucher. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est revêtu de la puissance. Ça veut dire l'esprit déborde. On nous a parlé durant la semaine quand il y a débordement. Ça veut dire c'est l'homme qui communique maintenant l'esprit. C'est la puissance, c'est ça même la démonstration de la puissance de Dieu. La démonstration de la puissance de Dieu. Alors, c'est cette image qui nous montre que quelqu'un qui a l'esprit en lui, c'est un combat personnel. C'est un combat personnel. C'est une bataille personnelle. Dans le premier verset, on dit que Jésus rempli du Saint-Esprit, dont l'esprit était en lui, et le diable ne l'a pas vaincu. Bien aimé, le Saint-Esprit doit être en nous. Le Saint-Esprit qui est en nous, comment le Saint-Esprit entre en nous? La Bible dit que quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu deviens une nouvelle créature. Tu n'es pas né de la chair, mais tu es né de l'Esprit. En ce moment-là, tu deviens un homme esprit. Alors, en ce moment-là, tu commences à grandir l'esprit qui est en toi. Jusqu'à ce que tu seras débordé par cet esprit. Et pendant que tu es en train de remplir l'esprit, et pendant que l'esprit est en toi, bien-aimé, ne crains aucun mal. Parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Un homme avec le Saint-Esprit, c'est une puissance extraordinaire. Il faut connaître ce qui est en toi. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous sommes les premiers à pleurnicher. Nous sommes les premiers à nous plaindre. Le premier à nous plaindre. Or, nous ne reconnaissons pas ce qui est en nous. Un enfant de Dieu a le Saint-Esprit en lui. Et c'est une machine. C'est une force, une puissance. Maintenant, la deuxième figure qu'on nous donne, c'était le combat. La première figure, c'est Jésus qui se combat avec le diable seul. Il avait l'esprit. Mais maintenant, quand nous lisons le verset 14, on nous dit Jésus revêtu maintenant de la puissance de l'Esprit. Et quand Jésus est revêtu de la puissance, ça veut dire quoi? Jésus était allé travailler l'Esprit en prière. Il était 40 jours Et après les 40 jours, ce n'était pas rempli de l'esprit. C'était revêtu de la puissance de l'esprit. Bien aimé, quand tu entres en prière, quand tu entres en profondeur, dans la recherche de Dieu, c'est le Saint-Esprit en ce moment-là qui va te revêtir de sa puissance afin que tu ne puisses pas bénéficier en toi, mais que tu puisses travailler même à l'extérieur. Et c'est en ce moment-là que Christ est allé dans les nations, les aveugles ont vu, les paralytiques se sont tenus debout, ils ont marché, Lazare est ressuscité. Pourquoi? Parce que il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, ne nous arrêtons pas seulement à l'étape d'être rempli, mais d'être revêtu aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, en tant que fils de Dieu, nous sommes les acteurs de la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1, versets 6 à 9, la Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. La Bible ne dit pas le Saint-Esprit en vous. Parce que quand tu nais de nouveau, le Saint-Esprit est en toi. Mais ici, la Bible dit, le Saint-Esprit sur vous, vous serez mes témoins. Bien-aimés, pour arriver à être un témoin, il faut être revêtu du Saint-Esprit. Il faut vivre la puissance du Saint-Esprit. Il faut expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Et la même chose dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 2 à 5. Nous rentrons dans notre verset de base. Juste un peu avant, 1 Corinthiens 2, 2 à 5. La Bible dit ceci. Là, c'est Paul qui raconte. Il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, nous devons, j'ai toujours posé cette question, quand quelqu'un comme Élie, il défie des prophètes, 450 et 350, il défie ces gens. Il est seul devant presque 800 personnes. Il les défie. Il met Dieu à l'épreuve. Et Dieu descend le feu. Et après cela, il les décapite un à un. Ça veut dire, les enfants de Dieu, il y a quelque chose en nous que nous devons découvrir. Peut-être que nous avons négligé. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas seulement dans le pasteur. Le Saint-Esprit n'est pas seulement dans l'ancien ou le diacre. Mais le Saint-Esprit, c'est pour tout enfant de Dieu qui a donné sa vie à Christ. Ne pensons pas qu'il y a des hommes extra. Donc toi aussi, tu es capable d'imposer les mains à quelqu'un et qu'il soit guéri. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu as le Saint-Esprit en toi. Et cet esprit n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Un enfant de Dieu n'est pas timide. Papa Eric, on te dit non, il est trop timide. Il est trop timide, lui. Baridi, baridi. Faut bien voir. Shishamzou. L'esprit de Dieu que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'esprit que nous avons reçu, c'est cet esprit qui va nous faire sortir de cette église et t'a ramené les âmes du Seigneur ici. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit où nous devons rester assis sur les bancs. Ce n'est pas un esprit de timidité, mon frère, ma soeur. L'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de force qui te donne la force, le courage de te tenir devant quelqu'un et dire, papa, j'aimerais parler avec toi. Est-ce que tu peux me donner une ou deux minutes? Une ou deux minutes? Oh non, moi je suis timide. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas encore en toi. Tu n'es pas bien converti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut me dire bien amen? Dis-moi quand même amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? 2 Timothée chapitre 1, verset 7. 2 Timothée. Chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu. Mais c'est un esprit de force. Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance. Avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Amen. Amen. Maintenant, je voulais, pour clôturer et passer en prière, j'aimerais, pour ceux qui notent, vous pouvez écrire Ézéchiel, chapitre 3, le 12e, le 14e, le 22e au 27e verset. Ézéchiel, nous allons lire à la maison pour ceux qui notent. Et dans ce livre d'Ézéchiel, nous allons comprendre les trois dimensions de l'esprit, telles que nous l'avons explicité ici. Le Saint-Esprit est sur vous, c'est-à-dire il vous a revêtu. Le Saint-Esprit est en vous, et le Saint-Esprit aussi est avec vous. Alors nous allons comprendre ici que Dieu prend Ézéchiel. Il dit, l'esprit m'enleva et j'entendis derrière moi. Quand l'esprit est avec toi, c'est-à-dire tout enfant de Dieu qui marche avec l'esprit, il aura même la capacité d'entendre. Un enfant de Dieu qui marche avec le Saint-Esprit, il aura la capacité de voir. Amen. Amen. L'esprit sur vous, quand le Saint-Esprit est sur vous, il vous donne la capacité de communiquer ses débordements à son peuple. Quelqu'un ne peut pas dire que la puissance du Saint-Esprit est sur lui tant qu'il ne fait rien avec cette puissance. On ne parle que de puissance quand on voit les démonstrations de cette puissance. On parlera d'un homme puissant quand on voit la démonstration de la puissance qu'il détient. Mais tu es un homme puissant, une femme puissante. Il faut expérimenter la puissance qui est en nous. Bien-aimé, tu as la capacité de guérir les malades. Tu as la capacité de ressusciter les morts par la puissance du Saint-Esprit qui est sur toi. Alors, l'esprit en vous, toujours dans Ézéchiel, à partir du verset 22, la Bible dit l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Ézéchiel 3, 22. Ézéchiel 3, 22. Ok, 23. Allons-y à 23, c'est là que je suis. 3. Je me levais et j'allais dans la vallée et voici la gloire de l'Éternel. 24. Voilà. C'est ce verset ici. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Bien-aimé, quand l'Esprit entre en toi, ça veut dire toute chose doit se tenir sur les pieds. Un homme esprit, quand l'Esprit est avec lui, quand l'Esprit est en lui, ça veut dire même les affaires sont sur les pieds. Ce n'est pas couché. Alléluia. Amen. Ton travail sera debout. Il ne sera pas couché. Parce que l'Esprit est en toi. C'est-à-dire quand l'Esprit entre, il met toutes choses debout. Alléluia. Amen. Il n'y a pas quelque chose qui peut dormir. C'est-à-dire la maladie, Magonjo, elle va d'abord elle-même fuir yo inyembele tapita pour que tu sois en bonne santé. Ili ukwe muafia parce que l'Esprit vient mettre toutes choses en ordre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tes affaires qui sont en train de boiter, quand l'Esprit est dedans, c'est sur les deux pieds. L'Esprit entra en moi et me fait tenir sur mes pieds. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit entre, vous savez, quand Jésus parlait même aux paralytiques, il regarde. Il dit, lève-toi. C'est l'action de l'Esprit. En fait, ce n'est pas la personne qui s'élève. C'est cette parole-là. Elle est accompagnée par la puissance de l'Esprit. Quand elle entre dans la personne, elle le met debout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu veux que tes affaires aillent de l'avant. Cherche l'Esprit. Tu veux que ton travail aille de l'avant. Cherche l'Esprit. Tu veux que ta famille soit stable sur les deux pieds. Ton mariage qui soit sur les deux pieds. Cherche l'Esprit. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Bien-aimés, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons dit que quand tu es né de nouveau, d'abord, avant même que tu naisses de nouveau, le Saint-Esprit était là, en train de chercher à te convaincre afin que tu donnes ta vie à Christ. Le Saint-Esprit était avec toi. Et quand tu acceptes le Seigneur, le Saint-Esprit entre en toi. Là, tu n'es plus né de la chair, mais tu deviens un esprit. Tu es né de l'Esprit. Tu es né de Dieu. Alors, je voulais avant que nous puissions prier, que nous puissions comprendre une chose. Une chose très importante. J'aimerais que nous puissions... Romains 8, avant que nous prions rapidement, Romains chapitre 8. Le verset 9. Bible dit ceci. Pour vous, les enfants de Dieu. Watoto wa Mungu. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se tenir debout? Tunaweza kusimama bwima. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça, c'est la première des choses. Nous voulons prier. Nous allons lire, c'est vraiment des prières que nous allons faire. La première des choses, quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier. Que tu regardes en toi-même. Est-ce que réellement tu as reçu Christ dans ta vie? Depuis que tu viens à l'église, depuis que nous chantons et honorons Dieu ici, est-ce que réellement Christ est en toi? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Christ? Pour que vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu habite en vous. Alors, bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu Christ, le moment t'est donné. Tu vas t'avancer. Papa va prier pour toi. Mais si tu as déjà reçu Christ, j'ai besoin que tu enlèves d'abord cette affaire de peur ou d'incrédulité. Que tu reconnaisses que ce qui est en toi est plus fort que toi-même. L'esprit qui est en toi, il est plus fort que toi-même. Saint-Esprit, ce moment, il est à toi. Travaille dans la vie de chacun de nous. En ces lieux, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Ta parole dit que tu rends témoignage que nous sommes fils de Dieu. Si réellement nous sommes enfants de Dieu, laisse que tu parles au cœur d'un bien-aimé, d'une bien-aimée en ces lieux, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, n'aie pas honte. Parce que pour être enfant de Dieu, fils de Dieu, il faut naître de l'esprit. Si tu n'as pas encore reçu Christ, viens, nous allons prier pour toi. Que tu puisses avoir cette puissance, cette force qui va t'accompagner. Mais si réellement tu as déjà reçu Christ, pose-toi des questions. Est-ce que réellement le Saint-Esprit agit en moi? Alléluia. Amen. On nous affiche le verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Bien-aimés, je prie que la vie de Dieu entre en toi maintenant. S'il y avait des choses mortes dans ta vie, qu'elles prennent vie maintenant. Élève ta voix et déclare cela au nom de Jésus. Que la vie de Dieu, que la vie de Dieu entre dans ta vie. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Et tu dois bénéficier de la vie de Christ en toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Déclare la vie de Dieu, la vie de Christ. Que cette vie, vivifie, donne la vie à tout ce qui est mort, ou tout ce qui était mort en toi, dans le nom de Jésus. Le verset 11. Bien-aimés, nous sommes en prière. Souffrez pour cette méthode, mais j'aimerais que nous puissions prier. Le verset 11. Alléluia. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre le mort habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre le mort rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Est-ce que tu peux acclamer? Acclamer. Au moment que tu acclames, la vie est en train de rentrer dans ta vie, dans ta santé, dans ton travail. La vie, si Jésus-Christ, celui qui l'a ressuscité, son esprit habite en toi. De la même façon, les choses vont ressusciter. Les choses vont ressusciter. Ton travail va ressusciter. Ton mariage va ressusciter. Tes affaires, tes projets vont ressusciter. Dans le nom de Jésus. On nous affiche rapidement le verset 14. Nous tendons à la fin. Bien-aimés, supportez un tout petit peu. Soyons debout que nous puissions prier. Il est merveilleux de comprendre et de prier. La Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Qu'est-ce que ça veut dire? L'esprit d'adoption, il nous a adoptés. Dieu avait un fils, Jésus-Christ. Mais par son esprit, nous tous, nous sommes aussi fils de Dieu. Et c'est par l'esprit d'adoption. Donc l'esprit, c'est ce canal qui nous a adoptés auprès du Père. Ça veut dire pour nous donner les mêmes qualités, les mêmes droits que Jésus-Christ. Nous sommes fils de Dieu au même titre que Jésus-Christ par l'Esprit qui habite en nous. Alors, bien-aimé, maintenant je parle à un fils de Dieu qui se connaît, qui connaît ses qualités et qui est devant son Père et qui veut parler à son Père. Il n'y a ni garde qui va t'empêcher. Il n'y a personne qui va t'arrêter. Tu parles à ton Père. J'ai besoin de quelqu'un. Il y a un problème qui t'a dérangé. Des années et des années. Parle à ton Père. Le moment est arrivé. Nous avons juste 2 minutes avant que nous passions au dernier sujet. Parle à ton Père. Quel est ce problème qui a duré? Parle à ton Père. Dis à ton Père ce qu'il t'a donné. Dieu nous a donné la bonne santé. Dieu nous a donné la richesse. Dieu ne nous a pas donné la pauvreté. Dieu ne nous a pas donné la maladie. Dieu nous a donné la bonne santé. Il nous a donné la richesse. Alors déclare-le. Et réclame-le auprès de ton Père. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Réclame. Réclame. Réclame. Auprès de ton Père. Oh, au même titre que Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le verset 17 dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Le verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Maintenant nous allons prier. Connaissant ce que nous sommes, tu vas dire, étant co-héritier du Christ, je connais qui je suis et je vais aller vers le monde pour étonner la création. Cette création m'attend. Je ne vais pas avoir peur. Je ne vais pas craindre quelque chose. Parce que l'esprit qui est en moi n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Je vais aller avec force pour annoncer la nouvelle de Christ. Je vais aller partout dans le monde parce que c'est la recommandation de mon Seigneur. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je n'ai pas reçu un esprit de timidité. Il n'y a rien qui pourra me faire peur. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Je vais aller pour la gloire de Christ. Je vais aller pour la mission. Je vais aller pour l'œuvre du Seigneur. Pour l'œuvre de Dieu. Pour l'évangile. Pour les âmes. Je n'ai pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, pour finir. La Bible nous a dit clairement que nous sommes héritiers. L'héritier qui souffre, c'est celui qui ne connaît pas. C'est lui qui ne connaît pas ce que son père a ou ce que son père lui a légué. Alors, la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels en Christ. La Bible n'a pas défini les types. Mais la Bible a dit toutes sortes de bénédictions. Et ces choses sont en nous. Alors j'aimerais que quelqu'un qui est fils de Dieu, qu'il déclare. Vous savez, quand il y a la pauvreté, ça ne nous regarde pas nous. Nous, la bénédiction que Dieu nous a donnée, c'est la richesse. La pauvreté, moi, je ne la vois pas. Moi, Dieu m'a parlé de la richesse, j'étais béni. Dieu a mal na kubariki. Alors, je dois réclamer ce qui est à moi. Parce que l'Esprit en nous nous donne la connaissance de ce que Dieu nous a donné. Alors, connaissant que Dieu a tout donné, alors j'ai besoin de quelqu'un qui va parler à son Père pour réclamer tout ce qui est à lui. Alors élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Réclame et prends ce qui est à toi. Réclame et prends ce qui est à toi. Réclame et prends tout ce qui est à toi. Connaissant que tu es, réclame ce qui est à toi. Le diable n'a pas son affaire. Réclame ce qui est à toi. Réclame ce qui est à toi. Réclame ce qui est à toi. Réclame ce qui est à toi. Réclame ce qui est à toi. Réclame ce qui est à toi. Réclame. Réclame. Réclame. Réclame. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia.